Elle sera une autre demain, celle qui dira des mots karma, qui fera du chantage, qui mentira, qui jamais ne se repentira. Celle qui nettoiera cette merde en moi, sachant tout sur le bout des doigts, même ignorante, sachant mieux que moi, avec cette merde qui coulera sur mes bras. Elle sera triste, je serai responsable. Elle sera en colère, je serai coupable. Elle sera blessée, je serai condamnable. Elle sera malheureuse, moi minable. Elle me parlera comme à un enfant, elle me grondera en soufflant, comme je l'agacerai. Elle crachera jusqu'à l'été. Le lendemain, elle sera souriante. Plus de souvenirs de la peste sidérante. J'aurai du mal à être amnésique. C'est folie de ma faute, c'est systématique. Elle viendra lécher mes blessures, ça bave en moi comme du cyanure. Elle m'accusera de tous ses crimes, m'exhortant à présenter des excuses. Je me servirai plutôt une suze avant de me jeter dans l'abîme. Elle viendra m'y chercher, j'aurai les yeux écorchés. Elle s'en foutra comme elle croit qu'elle n'est pas la cause de mon désarroi. Elle insistera longtemps pour avoir des compliments, sinon elle s'apitoiera sur son sort, vivre avec un ingrat à l'amour mort. Elle postillonnera des larmes jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce qu'elle me retire toute arme qui pourrait encore la mettre à nu. Elle me fera sentir cette culpabilité de ses mille reproches déguisés en petit sourire sournois. La descente encore une fois vers l'abîme aux yeux écorchés, là où tout même le soleil fera douter, là où tous mes amis m'auront oublié, là où toute ma famille s'en sera allée. Car je penserai tenir la vérité, alors que je serai simplement berné, seul avec un bourreau qui niera aussi fort qu'il m'accusera. C'est fou comme je ne comprendrai pas que la belle innocente voudra montrer pas, accrochée à sa mission misérable, je baiserai encore avec le diable. Le lendemain, elle sera souriante. Plus de souvenirs de la peste sidérante.